الحمد لله بالفضل والإنعام هدانا للإسلام وشرفنا باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام خصنا في شهر رمضان بالمضايا والفضائل العظام وأعقبه بأشهر الحج إلى البيت الحرام فلا تزال الأمة تذهب من العطايا والجود والإكرام وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الرسل الكرام رسخ التوحيد في القلوب والأفهام وأزهر الشرك وحطم الأصنام وبلغ الشرائع والأحكام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين أقاموا الدين خير قيام وعلى من تبعهم بإحسان واستقام أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين وراقبوه في كل حين واشكروه على فضله المزيد وقد قربوا إليه بعمل الصالح الرشيد فلله دار أقوام تفكروا فأبصروا وشبروا مساعي الجد وما قصروا صارت به من الجد المطايا فاستحقوا جميل العطايا ومن علم شرف المطلوب جد وعزم والسعي والاجتهاد ولا قدر الهمم يقول ربنا جل وعلا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وقال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله اكبر الله اكبر فتابعهما ابو بكر رضي الله عنه وقال فمزامير الشيطان في بيت رسول الله وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحرابهم. فسلمهم عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أبناء الذي أرسله. رواه البخاري. شعب الجمهور Prie Allah subhanahu wa ta'ala, et sachez qu'il vous observe à chaque instant, et remerciez-le pour tous ses bienfaits ininterrompus, et rapprochez-vous de lui en accomplissant des œuvres pieuses, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui réfléchissent, puis observent, puis font des efforts d'adoration sans aucune négligence, en méritant de ce fait sa plus grande des récompenses. Et quiconque connaît la valeur de notre but, le paradis, ne peut que redoubler d'efforts et prendre des bonnes résolutions. Allah a sauvé de nous dire le Coran et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Et il dit dans un autre verset: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Chers musulmans, remerciez Allah pour ses énormes bienfaits et ses dons gigantesques. Du fait que vous abordez aujourd'hui le noble jour de l'Aïd, Aïd al-Fitr, après un mois entier de jeûne, la joie de la grâce d'Allah et le bonheur de sa miséricorde, le plaisir du nom d'Allah, c'est la plus grande chose dont nous devons être ici-bas et au-delà. Et comment le musulman ne peut-il pas être heureux alors qu'il veille dans la miséricorde d'Allah et sa générosité? Allah dit dans le Coran: dis au Mohammed, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Le musulman est heureux à chaque fois qu'il obéit à son Seigneur et fait des bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tes bonnes œuvres te rendent heureux et que tes mauvaises œuvres te rendent malheureux, alors tu es croyant. Rapporté par Ahmed. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, ses habitants possédaient deux jours pendant lesquels ils se divertissaient et s'amusaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: que sont ces deux jours? Ils dirent alors: ce sont deux jours pendant lesquels nous nous amusions avant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Allah vous a remplacé ces deux jours par deux jours meilleurs, Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha. Rawahu Abu Daoud. L'Aïd vient du verbe arabe Yaoud, c'est-à-dire le fait de revenir, car l'Aïd revient chaque année et la joie revient avec l'Aïd. Et les fêtes des musulmans sont différentes des fêtes des non-musulmans, car elles ont lieu après leurs adorations. Aïd al-Fitr a lieu après un mois de jeûne et de prière, pendant lequel a lieu l'Aïd al-Fitr, qui est meilleur que 1000 mois. Et l'Aïd al-Adha, qui est la plus importante des deux fêtes musulmanes, a lieu après la fin du pèlerinage, qui est le 5e pilier de l'islam. Donc le bonheur le jour de l'Aïd a lieu pour les gens de l'obéissance et les gens de la foi, et comment peuvent être heureux les gens de la négligence et du péché. Le jour de l'Aïd est un jour de joie, un jour de bonheur et de rappel d'Allah al-Sawjil. Et il faut que le musulman prenne du plaisir aujourd'hui par des choses licites. Un jour de l'Aïd, deux jeunes filles chantaient et jouaient du tambourin dans la demeure de Aïcha radiallahu anha, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé et s'était recouvert le visage. Abu Bakr entra et reprocha à Aïcha cet état des choses en disant: un son du diable dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: laissez Abu Bakr, chaque peuple a son jour de fête et aujourd'hui c'est le nôtre. Et Aïcha radiallahu anha dit: je regardais les amis saints jouer dans la mosquée avec leurs lances, et Omar les a comptés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: laissez donc, demeurez donc en paix, les Bani Afila, rapportés par Al-Bukhari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi l'ilham. Ikhwan al-Iman. لقد ودع المسلمون بأسره شهر القربات، وقد تنافسوا فيه بالخيرات، فعمرت المساجد بالمصلين والمنهجين، واستمرت القلوب بتلاوة القرآن المبين، وأنفقت الأموال على الفقراء والمساكين، غسلت الأرحام، وأطعم الطعام، وأذن الشيطان أي رحمة، حين تقرب المسلمون لربهم بصالح العمل، وانحصر منهم العصيان والزاد، وتحقق فيه عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما أسعد من ألم على ربه السؤال بقبول تلك الأعمال فأكرمهم المولى سبحانه بالقبول وعظيم النوال. ويا لمصيبة من أغلق دونه الباب فلم يحظ بقبول الله التواب وأعظم به من مصاب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى. ألم تسمعوا من قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. Les musulmans ont hier dit au revoir au moment de l'adoration. Les musulmans se sont concurrencés dans les œuvres pieuses. Les mosquées étaient pleines de gens venus prier la nuit et les cœurs ont été éclairés par la lecture du Coran. Des richesses ont été données aux pauvres et aux gens dans le besoin. Les gens ont affermi leur lien de parenté en visitant leurs proches, en nourrissant les pauvres. Et le shaytan, pendant ce mois, s'est retrouvé impuissant face aux intentions et aux bonnes œuvres des musulmans et face à la diminution des péchés pendant ce mois de l'Udine. Et les musulmans ont concrétisé la parole d'Allah Azza wa Jalla qui dit: ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne pendant, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Et combien est heureux celui qui assiste dans ses invocations en demandant qu'Allah accepte tous ses actes et Allah l'ennoblit en acceptant et en lui donnant la meilleure des récompenses. Et quel malheur pour celui dont la porte de l'agrément lui est refermée au visage. Ali ibn Abi Talib radiallahu disait: pensez plus à l'acceptation de vos œuvres qu'à vos œuvres elles-mêmes, car aucune œuvre ne peut être acceptée si elle est accompagnée de la piété. N'avez-vous pas entendu le verset où Allah Azza wa Jalla dit: Allah n'accepte que de la part des dieux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لم تشرع في ملة الإسلام إلا لإظهار البهجة والسرور وإذهان رواح الصدور ولإقامة شعائر الإسلام وشكر المولى جل جلاله على ما أولى جميعا. قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فصلوا في هذا اليوم المبارك أرحامكم وزوروا إخوانكم وأشعروا بفرح جيرانكم واجبروا دعاءكم وأعينوا قراءكم وأصلحوا أحوالكم لتدخل الفرحة كل بيت وتملأ البهجة كل قلب مسلم. ومن كان بينه وبينه وبين أخيه عداوة أو شحناء أو خصومة أو بغضاء فليضع يده اليمنى في يده وليغسل ما قد علق في قلبه حذرا من سد أبواب القبول وخوفا من ارتهان الأعمال بسنن الوصول. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. شكرا لله. Les fêtes en Islam ont été différées pour faire apparaître la joie et le bonheur, pour faire disparaître la haine présente dans nos cœurs. Remerciez donc votre Seigneur vers les livres de Coran afin que vous en complétiez le nombre et que vous condamniez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Affermissez vos liens de parenté pendant cette fête, visitez vos frères de religion, rendez heureux vos voisins. Renforcez les plus faibles parmi nous, aidez les nécessiteux. Il faut que la joie de l'Eid soit présente dans chaque foyer musulman et présente dans chaque cœur musulman. Celui qui est en querelle avec son frère ou sa sœur, qu'il pose sa main dans l'assiette aujourd'hui et qu'il purifie son cœur, car cela peut être cause de non-pardon des péchés. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les portes du paradis s'ouvrent pour le même jeudi. Et le pardon est alors accordé à tout serviteur qui n'associe rien à Allah, à l'exception d'un homme qui nourrit de la rancune vis-à-vis de son frère, on dira alors, ajournez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, ajournez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, ajournez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ibadallah, ya'lamu jami'an annahu la salah li ahwal al-muslimin fi makan. في فرنسا وفي غير فرنسا إلا بالتمسك بالدين لله عز وجل إلا بالتمسك بدين الله تعالى عقيدة وعبادة وأخلاقا ولا أدل على ذلك من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنه فقد جاءوا قبل البعثة غلة لا تأبه به الأمم ولكنهم ما إن استمسكوا بدينهم وعظموا الشرع على ربهم حتى زادوا الناس عزة بعد الحلم وتقدما بعد التأخر وصاروا أعز أمة وسادة العالم. وإن الدين الذي تمسك به أولئك الأخيار لا يزال بحمد الله تبارك وتعالى محفوظا في القرآن الكريم وفي سنة الهادي المختار صلى الله عليه وسلم. فلو استمسكت الأمة اليوم بكتاب ربها واستدت بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم لصرمت أحوالها وانتهى أفسادها وأعداؤها. يقول الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب إن هذا القرآن سبب يعني حبل طرفه بيد الله تبارك وتعالى وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان ألا تستمسكوا بدينكم الحق فإننا في زمن كثيرة فتنه شديدة محنه سريعة تغيراته وغريبة تغلباته حين ترى الرجل فيعجبك دينه وسمته حتى تزل به القدم في جوف او في جرف جوف شبهه او خطيب شهوه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال باتل بالاعمال جنانا يعني بعد الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. Sachez que la situation des musulmans ne peut s'améliorer n'importe où dans le monde, que ce soit en France ou ailleurs, qu'en s'accrochant à la religion d'Allah. Celui qui vous dit que la religion des musulmans ne peut s'améliorer d'une autre manière, il se trompe totalement. Il faut s'accrocher à notre religion dans la croyance, la rida, dans l'adoration, elle est ibadah, et dans le comportement, elle est akhlaq. Et la preuve évidente à cela réside dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la biographie de ses compagnons radiallahu anhum. Ils étaient avant la révélation un petit groupe auquel personne ne donnait d'importance. Et à partir du moment où ils se sont accrochés à leur religion et qu'ils ont vénéré les lois de leur Seigneur, ils ont alors prédominé sur toutes les autres nations. La puissance après la faiblesse, le progrès après le recul, ils sont devenus la nation la plus puissante et les dirigeants du monde. Et la religion à laquelle ils se sont attachés est restée, dans l'Islam, préservée et protégée dans le livre d'Allah, le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les musulmans, à notre époque, revenaient au Coran et s'y approchaient, et revenaient à la Sunna et la suivaient, leur situation changerait automatiquement. Et les ennemis et les envieux d'Islam seraient alors vaincus. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion, Allah est assurément fort et puissant, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le bien-mal. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, recevez la bonne nouvelle. N'admettez-vous pas que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que je suis le messager d'Allah? Les compagnons ont dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: sachez que ce Coran est tel une corde. Ce Coran est tel une corde, dont un bout est dans la main d'Allah et l'autre est dans la vôtre. Accrochez-vous à lui, car vous ne vous égarerez jamais et ne vous perdrez jamais après lui, rapporté par Ibn Hibban. Accrochez-vous donc à votre religion, qui est la religion de la vérité, car nous vivons à une époque où les tentations et les épreuves sont fortes et nombreuses, et dont les changements sont très rapides et soudains. Tu peux voir aujourd'hui un homme ou une femme chez vous et ayant un bon comportement, puis il s'égare à cause d'une ambiguïté ou à cause d'un désir à assouvir, et tu le vois peu de temps après égaré, et les exemples sont très connus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en disant: empressez-vous de faire les bonnes œuvres, car il y aura des troubles à une époque, il y aura des troubles comme des fragments de la nuit ténébreuse, car il y aura une idée déportée. L'homme se lèvera au matin croyant et sera le soir mécréant, rien à l'Ila. Ou bien il sera le soir croyant et le lendemain matin il sera mécréant. Pourquoi? Car il sera capable de vendre sa religion pour des futilités de la vie présente rapportées par Moussaïd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa ilayhi alhamd. Ibadallah. As-salat, as-salat. فإنها عن الدين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر دينه، وإن فسدت فما سواها أولى من فساده. ولا إسلام بدون صلاة، لا إسلام بدون صلاة ولا كرامة. فعن هريرة بن الخطيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ هذا الحديث، العبد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله وهو من أسياد التابعين يقول: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال شر وكفر غير الصلاة. رواه الترمذي. شيخ سعيد عبد الله: لا قيام إلى القول لا قيام، كان سير في جود بالإسلام. الله دي dans le Coran: لا قيام préserve de la turpitude et du blâmable. Et celui qui la préserve aura préservé sa religion, et celui qui la néglige aura négligé sa religion. Et c'est la première chose sur laquelle nous serons questionnés le jour de la résurrection. Si elle est acceptée, tous les actes le seront également. Et si elle n'est pas acceptée, les autres actes ne le seront pas non plus. Sachez également qu'il n'y a pas d'islam sans prière. Il n'y a pas d'islam sans prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que chaque musulman doit mémoriser: le pacte qu'il y a entre nous et eux, entre nous et les hypocrites, entre nous et les annonciateurs, entre nous et les mécréants, c'est la prière. Celui qui la déteste donc a alors vécu, rapporté par les séminaires. Et Abdullah ibn Shakir, qui faisait partie des Tabi'in, a vécu avec les compagnons du prophète radiallahu anhu, et il dit: les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient l'abandon d'aucun acte telle une mécréance, sauf la prière, rapportée par les séminaires. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa ilaha illallah. Ma'ashara al-ahbab wa al-ummahat. Min a'adhim al-qadaa'i al-islam qadiyatu al-ilayati bin najmi min banina wa banat wa tarbiyatuhum ala al-din wa al-akhlaq wa tajmimuhum as-sama'a wa qurrat al-fusaq wa ta'liquhum al-tawfiq wa al-walaa'i wa al-bara'i fi nufusihim. وهذا لا يمكن إلا بإيجاد الدينة الصالحة، وهي بيوت كريمة أسست على التقوى، مصباحها كتاب الله جل جلاله، وغذاؤها الهدي المتسلي الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم، في مصورة في الشهوات وبعد عن الملهيات. وأعظم نجاح يمكن للمرء أن يحققه نجاته لأهل بيته في حياة النعيم والكرامة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم في كل باب سلام عليكم بما صلاتم فنعم عقبى الدار جعل الله وإياكم منهم. فيجب على أرباب الأسر على الآباء وعلى الأمهات أن يتقوا الله عز وجل بمسؤولياتهم وأن يحافظوا على أبنائهم بمتابعتهم وتربيتهم والعناية بهم وأن يجعلوا في شهر رمضان نقطة انطلاق وتصحيح في تربية الأبناء وتوجيههم توجيها صحيحا. والتربية الصالحة في كل مكان للبنين والبنات هو ما كان مبنيا على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليست التربية أن تؤكلوا أبناءهم وأن تشرفوهم وأن تكسوهم فقط، فهذا يفعله المسلم وغير المسلم، بل حتى البهائم، فهذه تسمى تربية البهائم، وبنو آدم أرفع من ذلك، والمسلم أرفع من ذلك كله. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. عباد الله، مروا أولادكم بالصلاة. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمته تبعك، وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحفظه هذا الحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. كذلك مروا بناتكم بالحجاب عند البلوغ. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب ونقاب فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلى هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود. أيها الآباء والأمهات، لا تتركوا أولادكم في الشوارع، لا تتركوا أولادكم في الشوارع، لا تتركوا أولادكم في الشوارع، والله ثم والله لتسألن عن ذلك يوم القيامة أمام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول من المسؤولية ومسؤول من السؤال أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. فإن مكان التربية البيت والمسجد والمدرسة وليس الشارع، وما عرف على التاريخ أن الشارع يخرج صالحين ويخرج متقين ويخرج مثقفين ويخرج علماء ويخرج حفظة أهل الله، بل العكس معروف. فإن الشارع يخرج فجارا ويخرج فساقا ويخرج مجرمين ويخرج طائعين ويخرج أسوأ خلق الله. فلا يشتكي الأب الذي يترك ولده في الشارع أن يصبح ولده أو أن يصبح ولده يدرب في السجن، لا يشتكي، أو أن يصبح ولده يتعاطى المخدرات أو يتعاطى الخمر، لماذا؟ أبناؤه ويشعر بعموم الجميع. يقول أبو علاء المعري وينشر الناشر في تياره إلا على ما كان عودته أبوه. ويقول آخر إذا كان أرض البيت بالدف ضريبا فشيمة أهل البيت كلهم الرأس. شكرا. Parmi les sujets les plus importants dans l'islam, l'importance donnée à la nouvelle génération, garçons comme filles, le fait de les éduquer sur les principes de la religion et du comportement islamique, le fait de les éloigner de toutes choses stupides et de côtoyer les pervers, et le fait d'implanter l'unicité d'Allah dans leurs âmes et l'amour et le désaveu pour Allah. Et cela n'est possible qu'en élevant nos enfants dans un environnement sain, dans des foyers bâtis sur la crainte d'Allah, dont l'éclairage se fait par le livre d'Allah, dont leur nourriture est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de patienter à ses désirs, le fait de s'éloigner des stupidités et des pervers, est la plus grande des victoires que puisse concrétiser l'individu, ici-bas et dans l'au-delà, le fait d'être sauvé dans l'au-delà, ainsi que sa famille, et entrer au paradis, bi'idhnillah ta'ala wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, c'est-à-dire nous tous, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillez par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Et il dit dans notre verset, les jardins d'Éden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants. Est-ce que cela est de manière générale? Où ils entreront ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. Et de chaque porte, les anges entreront auprès d'eux en leur disant, paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est votre don, la demeure finale. Et il faut que les chefs de foyer, les pères et les mères craignent Allah dans leurs responsabilités et prennent soin de leurs enfants en les suivant, en les éduquant et en faisant attention à eux. Et prenez ce mois de Ramadan 2012 tel un nouveau point de départ pour corriger l'éducation de vos enfants et corriger leur orientation. Et la bonne éducation des enfants n'est pas l'éducation que chacun s'imagine. Non, la bonne éducation des enfants et l'éducation appelant à l'obéissance d'Allah, à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'éducation ne consiste pas seulement à donner à manger et à boire et à vêtir ses enfants. Beaucoup de personnes disent, moi alhamdulillah, j'aime bien éduquer mes enfants. C'est-à-dire, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, ils avaient à manger, ils avaient à boire, ils avaient à manger, et ils étaient vêtus et ils ont fait des études. Est-ce que ça c'est une bonne éducation? Est-ce que ça suffit? Car cela tout le monde le fait. Les musulmans, comme les non-musulmans, même les animaux font cela. Pensez-vous que les animaux laissent leurs enfants mourir de faim? Donc il faut essayer, il faut délaisser l'éducation animalière et passer à l'éducation musulmane. Car l'homme est supérieur à cela et le musulman est supérieur à tout cela. Allah dit dans le Coran, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Et il dit également, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Chers serviteurs d'Allah, ordonnez à vos enfants de prier. Allah dit dans le Coran, en s'adressant à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui il a pardonné tous ses péchés, il lui dit, et commande à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir, la bonne faim est réservée à la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne même l'âge auquel il faut ordonner à ses enfants. Il dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière à 7 ans, et frappez-les à 10 ans pour cela, et séparez-les dans les lits rapportés par Abu Dawud. Également, ordonnez à vos filles de porter le hijab lorsqu'elles atteignent la puberté. Allah dit également à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, dis à tes épouses, les mères des croyants, à tes filles et aux femmes des croyants, de son époque sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque, jusqu'à l'heure de prière. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes et croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et d'après Aïcha radiallahu anha, Asma dit à Abu Bakr radiallahu anha, entra chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, portant des vêtements légers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna d'elle en disant: Ô Asma, certes, quand la femme atteint l'âge de la menstruation, il ne convient de voir de son cœur que ceci et cela, en indiquant le visage et les mains, rapporté par Abu Daoud. Chers parents, ne laissez pas vos enfants dans les rues, ne laissez pas vos enfants dans les rues, et ne laissez pas vos enfants dans les rues, même pour jouer. Car l'endroit de l'éducation est la maison, la mosquée et l'école. Nous voyons des enfants, ils fait nuit, ils ont 11 et 12 ans, ils sont encore dehors, est-ce cela normal? Et la rue, sachez qu'elle n'a jamais produit des gens pieux. Dans la personne qui laisse ses enfants dans la rue, qu'elle ne vienne pas se plaindre un jour que son enfant est en prison, en disant qu'il est innocent et il est en prison. Et en prison, il n'y a que des innocents. Ne venez pas vous plaindre si vous laissez vos enfants dans la rue qu'un jour ils vendent de la drogue, qu'un jour ils se droguent eux-mêmes, qu'un jour ils boivent, ou bien que votre fille revienne enceinte. Il ne faut pas se plaindre. Ne venez pas à la mosquée vous plaindre si vous les avez laissés s'éduquer dans les rues. Car la rue n'a jamais produit des gens pieux, n'a jamais produit des gens partout, n'a jamais produit des savants, n'a jamais produit des gens connaissant le Coran par cœur. Il faut que l'enfant s'éduque chez lui, à la maison, à l'école et à la mosquée. Car au contraire, à travers l'histoire, la rue ne produit que des pervers, des criminels et des dépravés et les pires des individus. Mais que faire? Si le père lui-même passe pour ses jours dans la rue, comment voulez-vous qu'il interdise à ses enfants de rester dans la rue alors que lui-même, il est du lever au du soleil jusqu'à la nuit dans la rue? Et maintenant, il n'a pas qu'à s'il va le harrama, tout dans les foutes d'hier, ou à tourner dans ses rangs, ou rien qu'à se mettre à l'arrivée de Baraka, fil à Zarabi, ou à rouler le Nassabi, ou Nassabi, ou Rosaï. وإن مما يؤسف له أن من المسلمين من لا يتحاشون عن اكتساب المال الحرام وتحصيله من أي طريق وأي وسيلة، إذ ليس لهم هم إلا تكريس الأموال وتضخيم الثروات، والحلال في عرفهم ما قدموا عليه، والحرام في عرفهم ما تعذر وصولهم إليه، وقد لا يكترثون من المجاهرة بالمكاسب الخبيثة والاستيلاء على الأموال المحرمة التي لا شبهة في تحريمها، يأكلون الربا ويتعاطون الغصب والسرقة ويتعاطون المتاجرة بالمحرمات كالخمور والمخدرات ونحوها بلا خوف من الله تعالى. ألا يخافون الله ولا يستحيون من عباد الله في صور مهينة من صور الكبر والاستعلاء لدى بعض النفوس حين يضعف عندهم وازع الايمان، وانه لا يكاد يصدق على هذا الزمان قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. Chers serviteurs d'Allah, la foi hésite à donner la foi et rend aveugle et est cause de nos bénédictions dans nos richesses et cause de malheur et de problèmes. Et parmi les choses attristantes, le fait que parmi les musulmans, certains n'ont pas honte de rechercher l'argent illicite et cela de n'importe quelle manière, ne pensant qu'à accumuler leurs biens et augmenter leurs richesses. Pour eux, le halal, leur définition du halal est ce qu'ils peuvent atteindre, et leur définition du haram est ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Souvent même, cela ne les gêne pas que tout le monde le sache. Un tel est un bar, tout le monde le sait, cela ne pose aucun problème. Un tel est vendeur de la drogue, tout le monde le sait, cela ne pose aucun problème. Un tel travaille à la banque, tout le monde le sait, cela ne pose aucun problème. Il gagne de l'argent de manière haram, apparence comme le soleil. Consomme en usure. en dérobant les biens des autres, en volant, en vendant de l'alcool et de la drogue, sans crainte d'Allah, n'ont-ils pas peur d'Allah à ce sujet ? Sans honte devant ses serviteurs et remplis d'arrogance la plupart du temps. Leur foi est tellement faible qu'elle ne les blâme même plus. Et nous pouvons dire qu'à notre époque, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraie lorsqu'il dit « Une époque arrivera où parmi les hommes, personne ne s'inquiétera de l'origine de ces biens. Qu'ils émanent d'une source licite ou d'une source illicite, rapportée par le Bukhari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. أخواتي الزوجات اتقين الله رب العالمين واقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أدين ما عليكن من واجبات من أركان الإسلام ومن طاعة الأزواج وحفظ البيوتات وتربية حسنة للبنين والبنات فإن فعلت ذلك فأنت من الصالحات القانتات الحافظات وإن فرغت فزارع بالتوبة والندامة وسل الله اللطف والسلامة من السؤال العظيم يوم القيامة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كما قلنا مسؤولة من المسؤولية ومسؤولة من السؤال أمام الله تبارك وتعالى. وتمسكنا بقيم الدين القويم، وتخلقنا بأخلاق القرآن العظيم، واهتدينا بسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، واقتدينا بسيرة أمهات المؤمنين، تفلحنا في الدنيا ويوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت أخرجه من عباده. شيخ قبل الجمال شيخ بوز خلي الله لسنيور دو لونيفير بوني إكزومبل سو البروفيت صلى الله عليه وسلم لسوف سيز بوز رضي الله عنه لمعرفة الفايون Accomplissez vos obligations religieuses et simplifiées de l'islam, obéissez à vos époux, protégez vos foyers, éduquez d'une bonne éducation vos enfants, garçons comme filles, car si tu fais cela, tu seras alors parmi les pieuses, parmi les vertueuses et les protectrices. Et si tu as été négligent dans tout cela, empresse-toi de te repentir et de regretter, et demande à Allah la douceur et le secours pour que les questions d'Allah le jour de la résurrection. Car dans les deux sahihs, Al-Bukhari et Muslim, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme est celle qui vient d'être dans la maison de son époux et sera questionnée sur son troupeau. Accrochez-vous à votre religion, parlez-vous des comportements cités dans le Coran, cherchez votre voie dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prenez exemple sur les mères croyants, vous obtiendrez la victoire ici-bas et dans au-delà. Selon un proverbe, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si la femme s'acquitte de ses saintes prières, si elle jeûne son mois de Ramadan, si elle préserve sa chasteté, et si elle obéit à son mari, alors il sera dit au jour qui viendra, entre au paradis, par la porte que tu désires, alors que tu rigoles. Marchal Chabert, y'allez-vous, elle a l'islam, les habitants de Samy. L'islam, ليس أن اسمك محمد بل أن اسمك علي أو أن اسمك زبير الإسلام ليس بالتسمي والابتسام من غير التزام بالأحكام والآداب من غير قيام الواجبات والابتعاد عن المنغصات فالمسلم من أدى الواجبات واجتنب المحرمات وسلم المسلمون من لسانه ويده في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. أيها الشباب، تواضعوا لله تبارك وتعالى، تواضعوا لله، فإن الله تبارك وتعالى لا المستكبرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وعليكم ببر الوالدين والإحسان إليهما. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فاحرصوا على رضاهما واحذروا غضبهما. فعن معاوية بن جهنمة السلمي رضي الله عنه أن جهنمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو في سبيل الله وقد جئت أستشيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ هل لك من أم؟ فقال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي وابن ماجه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالي أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو حطه. رواه الترمذي وابن ماجه. قل الشيخ سجد الإسلام لكن يبقى بعض الخلو وبعض الفيلياسيون. L'islam n'est pas parce que tu t'appelles Mohammed ou bien Ali, ou bien parce que tes parents sont musulmans. Tout en délaissant les règles et les bienséances de l'islam, sans accomplir vos obligations et sans délaisser les péchés capitaux, le musulman est celui qui accomplit les obligations et délaisse les interdits, et dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main, mais s'acquittent. Ou bien ils n'attaquent pas leur personne, leur richesse ou leur honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nous dit: tout le musulman est sacré, sa personne, sa richesse et son honneur, rapporté par Muslim. Oh les jeunes, soyez humbles et modestes, car Allah n'aime pas les orgueilleux et les prétentieux. Selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas au paradis celui qui aura dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Rapporté par Muslim. Soyez bons avec vos parents, soyez affectueux envers eux. Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur Mohammed a décrété d'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aide de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Faites tout votre possible pour qu'ils soient satisfaits de vous et prenez garde de ne pas les mettre en colère. Mu'awiya ibn Jahima al-Salami radiallahu anhu dit que Jahima est venu un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je désire partir en bataille et je voudrais mon avis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ta mère est-elle toujours vivante? Jahima lui dit: oui. Le prophète dit alors: reste auprès d'elle, car auprès d'elle est le paradis, rapporté par Al-Nasa'i wa ibn Majah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le père est la porte du milieu du paradis. Le père est la porte du milieu du paradis, à toi de choisir de la garder ou de la perdre, rapporté par Al-Tirmidhi wa ibn Majah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. أيها المسلمون، فإنكم قد ودعتم بالأمس شهر رمضان واستقبلتم اليوم العيد، فلا تودعوا بوداعكم شهر رمضان الصيام وقيام الليل وقراءة القرآن والإحسان والبر وسائر أعمال الدين. لا تودعوا هذه الأعمال بوداعكم في هذا الشهر الكريم. واعلموا أن وراءكم صيام أيام. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. فاحرصوا على صيامها واحرصوا بعدها على صيام الأيام المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كصيام أيام الغيث والاثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن الناس 70 خليفة. متفق عليه. واجعلوا من قيامكم ليالي شهر رمضان توطئة لتعودكم على قيام الليل في بقية الشهور، واجعلوا من قراءتكم لكتاب الله تعالى صباحا ومساء منطلقا للعزم على دوام تلاوته وتدبره وفهمه والعمل به، واجعلوا من اعتيادكم الإحسان والبر سببا لاستدامة سائر أعمال الليل التي كنتم عليها حريصين. أيها المسلمون، بعد خروجكم من المسجد إذا رجعتم إلى منازلكم فاسلكوا غير الطريق الذي أتيتم به. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. شهر اليوم hier, vous avez dit au revoir au mois du Ramadan pour accueillir le jour de l'Aïd. Et ne dites pas au revoir aux jeunes en ayant dit au revoir au mois du Ramadan. Ne dites pas au revoir aux Coran en ayant dit au revoir au mois du Ramadan et au revoir à la prière nocturne et à la bienfaisance. Ne dites pas au revoir à ces actes à la fin du mois du Ramadan. Le jeûne nous suit même après le Ramadan. Selon Abu Ayyub al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné une année, rapporté par Moussé. Veillez donc à déjeuner également les jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, comme les jours de pleine lune, le lundi et le jeudi, Arafa et le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui jeûne un jour pour Allah, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Le fait de votre prière nocturne pendant le mois de Ramadan, un début pour prier l'ennemi de tous les mois de l'année. Et faites de votre lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, un début pour la lecture, la méditation, la compréhension et l'application du Coran dans les autres mois de l'année. Et faites de votre bon comportement et votre bonté pendant le mois de Ramadan une cause pour continuer les œuvres que vous faisiez pendant le Ramadan. Chers musulmans, après votre sortie de la mosquée, lorsque vous voudrez revenir chez vous, après la prière, empruntez un autre chemin que celui que vous avez emprunté pour venir à la mosquée. Et là, vous pouvez aller à Allah. Nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait un chemin différent en revenant de la prière de l'Aïd. Et il y a un autre homme, voyez pour la parole de Kalimat, qui a dit que le Saïd, la tasso, qui croit à la commune de l'Ostographie, il sort les pieds de la parole de l'Aïd. N'a pas de salle, on a un père de l'Aïd, pour appuyer à l'amour et à l'Aïd. لا تنسوا إخوانكم في فلسطين، لا تنسوا إخوانكم في سوريا التي قتل فيها ظلما وعدوانا الآلاف من المسلمين، وكذا في بورما، وسبحان الله قضيتهم مسكوت عنها إعلاميا، لا تسمعون عنهم، والذي يقع هناك من أكبر المناجم وأكبر الإجرام، يوجد هناك إبادة للإسلام والمسلمين. ما معنى ذلك؟ الإنسان يقتل بسبب كونه مسلما. أنت مسلم فتقتل على أيدي البوذيين، عليهم من الله ما يستحقون. شكرا مسلم. Dans ce noble jour et de bonheur aujourd'hui, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui souffrent et sont tristes. Invoquez Allah pour nos frères et sœurs en Palestine, en Syrie, où ont été tués jusqu'à nos jours plusieurs milliers de musulmans par la justice, et également en Birmanie. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe en Birmanie à l'heure actuelle, car les médias refusent d'en parler. Alors qu'il se passe à l'heure actuelle une extermination des musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu meurs en Birmanie à l'heure actuelle parce que tu es musulman. Tu es musulman, on te brûle ta maison avec toi à l'intérieur par soutien des bouddhistes et de l'État de Birmanie. شهر الإسلام وصفاته العلى، أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة، وأن يعيد أمثاله علينا وعليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة في عز الإسلام والمسلمين والسلامة وأمن وطمأنينة، إنه على كل شيء قدير. اللهم اجعل عيدنا فوزا لرضاك، اللهم اجعلنا ممن قبلته فاعتقت رقابه من النار. اللهم اجعل رمضان راحلا بذنوبنا، قد غفرت فيه سيئاتنا ورفعت فيه درجاتنا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعلنا من الذين قبلت منهم رمضان واعتقته من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اغفر لنا جميع مرضات ذنوبنا، واعصمنا بما بقي من اعمالنا، وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا، وخذ بنا واصينا الى الخير، واجعل الاسلام منتهى رجائنا. اللهم احشرنا بزمرة نبيك وتحت لواء حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظنا بالإسلام قياما، وبالإسلام قعودا، وبالإسلام ربودا، ولا تشمس بنا عدوا ولا حسودا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وطر الدين على المدينين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، علانيته وسره، اوله واخره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اثرنا به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلهم طهورا لهم، وارفع منزلتهم، وابدلهم من بعد المرض صحه، ومن بعد البلاء عافيه. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، انا نسالك ان ترد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد نساءنا وابناءنا وبناتنا، واهدنا سبل السلام. اللهم احصن شباب المسلمين، اللهم احصن شباب المسلمين، اللهم يسر لهم الزواج، واعنهم على بلدهم، واحفظهم من كل فتنه، وثبتهم على دينك. اللهم اهدنا واهد عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل شملهم ووحد كلمتهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وانصر عبادك المستضعفين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم واصلحهم، واجعل الجنه متقلبهم ومثواهم. وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر الله، فقد قال عز قائلا عليه: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب اللواء المحمود والحوض المورود والمقام المحمود، وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان.